mercredi à Assemblage requis. Les sorties culturelles de Sébastien Dulude, la chronique politique de François Landry, et à CNX, on se met à jour des nouvelles technologiques. Tout ça à Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées, mercredi 15h.